marchant sur un trottoir, dans la fraîcheur du soir. Il arrive qu'on croise une ombre dans le noir. Sur le quai dans un port, un endroit nulle part. Le hasard c'est de l'or, et l'espoir vient du phare. À l'étoile du temps.